Prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine pendant 3 heures, on déballe les CD. On sait pas ce qui s'en vient, on découvre ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de moins bon, ce qui pourrait finir dans les palmarès et ce qui devrait finir dans les poubelles de ces fous. Cette semaine, du côté francophone, entre autres, on a reçu le nouvel album de la formation. Le volume était au maximum, mais on commence avec une formation qui s'appelle Le Monde dans le Feu. Voici leur album Sur le bord de l'absolument fantastique et la pièce Garde pas toutes dans le poste d'écoute à la Radio Campus de Trois-Rivières, le 89 FM. C'est fou ça! Je sais que t'as un beau sourire pour décoller et atterrir. Peu importe tes vêtements pour l'effet de surprise, la chaleur du moment, c'est un bon indice et c'est bien excitant. Dans la passion et le vent, on en oublie les éléments. On en oublie les éléments, la chaleur de l'effondrement. Ce qui se passe autour de nous se ralentit dans un flou. Souvent je sais si tout ce que tu veux, puisque j'avance, puis je pense que je t'ai décoré pour une qui c'est pas de but, c'est où c'est non, c'est de la chance sous le néant. C'est où c'est non, c'est de la chance sous le néant. C'est où c'est non, c'est de la chance sous le néant. C'est vrai pour des vêtements, pour une surprise, la chaleur du moment. C'est un bon effet, c'est bien excitant. Dans la passion et le vent, on en oublie les éléments. Le poste d'écoute. Laisse-moi! La formation Le Monde dans le feu avec la pièce Un coup mal pris. C'était précédé de la pièce Le mal qui fait du bien, de Christ n'est pas belle, de Laisse-moi te parler de toi et de Garde pas tout ça pour toi. Donc, on a entendu les cinq premières pièces de leur nouvel album Sur le bord de l'absolument fantastique. Un hippie, en fait. Il y a aussi là-dessus des remixes là, de quelques-unes de leurs pièces, une version démo d'autres choses. Le Monde dans le feu lance son premier EP Sur le bord de l'absolument fantastique, fièrement présenté par les étiquettes méga fiables qui travaillent avec les prostiputes, les vautours, Bonne journée et d'autres. Donc, Le Monde dans le feu, c'est un projet de dance punk karaoké constitué de B, le batteur de Bonne journée, qui écrit les textes, chante approximativement et s'occupe aussi des échantillonnages, et de Bruno, le bassiste des Incendiaires, qui joue de la basse et chante mieux, mais moins souvent, dit leur document de presse. Tu penses qu'on fait du name dropping? Eh bien, pas tant que ça, c'est les membres du groupe. On a aussi des amis qui collaborent parfois. Dans le cas du EP, il y a Pedro Pedro, puis Christian, le bassiste des Prostiputes. On a aussi un remix de Digit, Missile Command, le projet solo d'un membre de Half-Baked. Dance Punk, on te dirait un hybride de Dead Set et Honey Truth, mais en français karaoké, parce qu'en spectacle, c'est différent. Les paroles sont projetées derrière nous autres pour que tu puisses chanter avec nous, puis pour qu'on puisse les checker quand on les oublie. Wow, parce qu'on s'implique activement dans des shows de 10 minutes, parce que c'est bien en masse pour être content, des shows pendant lesquels toi, le public, avant d'avoir ton quota de stimuli et de tunes d'une minute, tu es très appelé à interagir. On travaille actuellement à rendre les projections 3D pour que le port des lunettes 3D soit plus esthétique et à mettre une partie du contrôle sonore dans la foule. Voilà, je lirai bien le reste, mais ça commence à être redondant. Lemondedansle.com ou myspace.com/lemondedansle, si vous voulez en savoir plus sur le groupe et leur CD. Ça s'appelle Sur le bord de l'absolument fantastique. On va changer de style complètement et là je pige dans ma pile de CD parce que cette semaine on a un petit spécial. J'ai aucune idée c'est quoi le thème du prochain CD qui s'en vient. D'habitude on m'identifie les CD en termes d'électronique, de francophone, d'anglophone. Et là je devine. Et si je me rappelle bien, Beat Crush, je crois que c'est de l'électronique. Donc on va essayer d'aller entendre leur CD qui s'appelle Shimmer and Fade. Voici la pièce Shimmer. Tout de suite dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés pour la première fois tous ensemble. Assez fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. L'électronique de Bitcrush avec l'album Shimmer and Fade et la pièce Aventus précédée de Shimmer. Ici dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Donc Bitcrush, un groupe d'électronica shoegaze expérimental selon leur MySpace au myspace.com/haveyoulostyourway. Hein? Allez là-dessus pour en savoir plus ou encore bitcrush.net. C'est sur N5MD, une étiquette de musique électronique. On retourne aux francophones pour aller entendre un album assez attendu par plusieurs animateurs de C'est Fou, dont l'animateur de la dernière porte à gauche, Kiwan. Le volume était au maximum. On a fait jouer pas mal ça ici à C'est Fou. Ça a été dans nos palmarès assez fréquemment. Et voici le retour avec l'album Les Vacances, un album à thème sur l'été. Et justement, on va entendre deux pièces au moins avec des noms de mois. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'album. On va entendre Juillet et Juin. On commence justement avec Juin tout de suite dans le poste d'écoute au 89.1. www.unechance.com pour aller télécharger la balade de diffusion et pour voir les liens de tous les sites des artistes de l'émission d'aujourd'hui. Restez à l'écoute, le poste d'écoute revient dans deux minutes. Assez fou 89.1 FM. Poste d'écoute. Petit ange, Le volume était au maximum avec la pièce Petit Ange de leur album Les Vacances. C'était précédé de la pièce Amanda de Juillet, de Une Petite Fille Comme Toi et de Juin. Donc, album à thème sur les vacances de la part du volume était au maximum. Il y a des pièces avec des noms de mois. Donc, c'est très, très joli. Le volume était au maximum. Oui, un groupe de punk, new wave, pop punk de Montréal, Sutton, Paris, London, Tokyo, Berlin, Québec, Canada. Pafdisc.com, c'est le site de leur étiquette, ou encore myspace.com/ le volume était au maximum. Leur album est tout nouveau. Il y a des pièces à écouter d'ailleurs sur leur MySpace. Donc, allez-y. Il y a aussi un coffret de luxe, édition collectionneur avec l'album Les Vacances, un poster, un livre de 80 pages retraçant les 4 dernières années au sein du volume était au maximum, un certificat d'authenticité, plein d'autres choses. 250$, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Mais c'est bon, j'aime ça, c'est toujours aussi accrocheur, le volume était au maximum, donc j'aime ça, l'album encore une fois, s'appelle Les Vacances. On va retourner du côté anglophone pour aller entendre la formation des Abbasi Brothers. Leur album s'appelle Something Like Nostalgia, et à l'instant même, voici Stacey's Day Parade. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, c'est le poste d'écoute de C'est Fou, au 89.1 FM. le poste d'écoute. Les Bazzi Brothers avec la pièce Compa de leur album Something Like Nostalgia dans le poste d'écoute au 89.fm. On a commencé avec la pièce Stacy's Day Parade. C'est bon. Donc voilà, les Bazzi Brothers avec Something Like Nostalgia. Si ça vous intéresse, c'est myspace.com/Abazzi Bros, B-R-O-S. C'est du Shoegaze Visual Ambient selon leur MySpace et ils viennent de Berkeley en Californie. Les membres sont Eman et Youssouf Abazzi, donc c'est vraiment les frères Abazzi. Site officiel verbe.com/Abazzi Bros. Voilà donc, on continue avec notre bloc Écoute-moi donc. Le bloc Écoute-moi donc, c'est quand les artistes nous envoient un beau petit message qui vient avec l'album, qui dit qui nous fait un genre de petit sermon d'avance. C'est la formation Galerie Stratique et qui nous envoie le mot suivant. Les pièces les plus accrocheuses, selon moi, sont les numéros 3, 4, 5, 10, 13, 15. Si vous êtes trop pressé pour tout écouter, ce qui serait quand même dommage à vous de voir. Donc, vous savez, dans le poste d'écoute, si vous écoutez depuis longtemps, Notre principe, c'est qu'on joue les pièces dans l'ordre du CD parce que c'est comme ça dans un vrai poste d'écoute dans un magasin. Et c'est là-dessus que les gens se fient pour acheter un album. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. C'est pas tout le monde qui va écouter nécessairement l'album au complet avant de l'acheter. Mm-hmm. Donc, on va faire quand même comme ils nous ont demandé parce que c'est le bloc Écoute-moi donc. On va écouter les pièces 3 et 4 pour commencer. Vous êtes dans un poste d'écoute. Assez fou. 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. La radio où on aime entendre des nouveautés. C'est pas qu'on veut pas le faire jouer, on l'aurait fait jouer quand même, mais bon. Le petit mot, t'es un petit peu, tu sais. On écoute la très bonne musique de Galerie Stratique. Leur album s'appelle Faux World. On vient d'entendre les deux premières pièces de l'album, Rêves agités et Plastic Snakes. Maintenant, voici les pièces qu'ils nous ont conseillé de jouer. Les troisième et quatrième, c'est Soleil d'Acier et Sunda. Vous synthonisez le poste d'écoute au 89.1 FM. Et restez là parce que tantôt, on va faire une biographie de Galerie Stratique. Thank you. Galerie Stratique avec l'album Full World. On va entendre la pièce Sunda, précédée de Soleil d'Acier, de Plastic Snakes et de Rêves Agités. C'est les quatre premières pièces. Là, ce qui joue, c'est la cinquième, Mécanique Onirique. Parlons un petit peu de Galerie Stratique avec Full World. Ça sort le 19 août. Et ils ont le document de presse, tiens. Galerie Stratique élargit remarquablement sa palette sonore sur un troisième album fascinant qui baigne dans une ambiance onirique et exotique. Full World évoque les musiques sublimes et primitives d'un monde n'appartenant qu'à l'imaginaire singulier de son auteur. Quatre années auront servi à concevoir cette expérience viscérale où instruments improbables, rythmes complexes, boucles fragmentées et bruissements concrets jaillissent en d'impétueux flots sonores. En contournant les standards établis, Galerie Stratique est parvenue à créer une œuvre d'art cathartique et particulière. Chatoyante, classée sous avant-garde électronique. Mieux connue pour sa musique électronique atmosphérique, Galerie Stratique ou Charles-Émile Beulac se fait d'abord remarquer avec une pièce sur une compilation du label Worm Interface. En 2001, il publie Nothing Down to Earth, un album glacé et brumeux. En 2003, sort Horizons, un disque aux textures plus chaudes et psychédéliques. Puis, élargissant son registre vers des sonorités concrètes et acoustiques, il achève la création de Full World en 2008. Galerie Stratique aime défricher de nouveaux paysages sonores, parfois vaporeux, souvent texturés, en abordant des styles variés. Charles-Émile Beulac vit présentement à Québec, au Canada. Si vous voulez plus d'informations, allez voir staticdistribution.com, STATIK, ou encore allez voir lunechance.com pour le lien si ça vous intéresse. C'est Galerie Stratique avec Full World et j'ai bien apprécié. C'est très bon. C'est la fin de la première heure du poste d'écoute. On va se quitter avec la fin de la pièce Mécanique Onirique qui reste avec nous parce qu'il y a tout plein d'autres styles musicaux qui s'en viennent dans à peine quelques instants dans votre radio au 89.fm. Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Moi, c'est Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure et dans le reste de l'émission, il va y avoir tellement de variétés musicales que vous n'allez même pas en croire vos oreilles. On s'en va entendre l'album de Marie-Christine Légaré qui s'appelle Mes Hémisphères. Et à l'instant même, voici la pièce Iliade. Écoutez les capsules. Non, celle-ci, Iliade. Oh, c'était cacophonique, ça. Quand même, Iliade. D'écoute. Je me rappelle des nuits houleuses, une marée de corps désarticulés se fracassait sur des rythmes effrénés et aux arômes brumeux collants. S'ajoutaient des regards languissants et partout des visages démaquillés d'où suintaient les sueurs alcoolisées. Je revois des langues tirées, des cœurs vite enjolés, quelques jalousies indomptables, une danse aux intentions trop pâles. Charger sa concupiscence, la marée humaine valsait à l'effervescence. Elle n'en avait jamais assez de s'essouffler. Et les heures passées. Les eaux se retirent et des épaves humaines disparues. Restait une impression suspendue. Ballet cynique, carnaval macabre et chagrin. Dame sœur cherchant homme célibataire. Et se sont réveillés tôt matin. Un goût aigre à la bouche. C'est fou depuis 10 ans. 10 ans, c'est plus vieux que moi, ça. Thank you. Marie-Christine Légaré avec la pièce Deux chandelles, précédée de. Chandelles. Merci. Devant moi, une pour toi, une pour moi. Précédée de Marie Humaine et de Iliade, c'est son album Mes Hémisphères. Et là, je suis vraiment déchiré hein, parce que je vais vous lire le texte, vous allez voir par vous-même pourquoi je suis déchiré. Des hémisphères, deux, et une infime ligne poreuse entre les deux, une crevasse, s'enfonçant sans limite et clairement définie vers des noirceurs qui pourtant jamais ne se pacifient, sans doute parce qu'en surface, malgré le trouble que crée parfois le voyage en profondeur, miroite tout en élégance et sensibilité une lumière. Deux hémisphères et une auteur-compositeur qui, de sa voix et de ses doigts se jouant du noir et du blanc, s'offre à les explorer. Premier album de l'artiste cherbourgoise, produit et réalisé par celle-ci, Mes Hémisphères rassemble 13 titres sur lesquels s'enlace une plume parfois sensuelle, contemplative, parfois poussée par les angoisses et les solitudes à mettre à nu une voix qui aspire vers un espace émotif fort. D'un timbre chaud, assuré, sensuel, elle accompagne le regard vrai que porte l'artiste sur son monde intérieur. Marie-Christine Légaré présente un album impressionniste à la tonalité intimiste où le piano présent sur chaque pièce se retrouve pimenté d'une saveur électro. Et là, voici le bout qui me dérange un peu. Enregistré à Sherbrooke, principalement aux côtés d'Étienne Chagnon, qui a porté les chapeaux de réalisateur, de directeur musical et de musicien pour de nombreux événements et artistes, dont Jean-Pierre Ferland, Annie Villeneuve et la chanteuse belge Zoé. Annie Villeneuve, vraiment. Mes Hémisphères est le fruit d'une première tentative de collaboration pour l'auteur-compositeur-interprète. Première association qui se répercutera sous les projecteurs, le projet implique désormais un nouvel acolyte, et là, ça, c'est la chose qui me fait dire « Ah, c'est bien quand même ». Donc, la programmation électronique et l'échantillonnage de Mathieu Girard qui travaille avec Dactylo Fidelity, qui est un groupe qu'on a passé sur nos palmarès ici assez fou. Donc, je sais pas, c'est peut-être pas pour moi, c'est pas, je suis pas le public cible de cette musique-là, mais peut-être que vous avez aimé, c'est Marie-Christine Légaré, son album s'appelle Mes Hémisphères, et si vous voulez en savoir plus, c'est Marie-Christine Légaré sans les accents, .com ou encore myspace.com, / Marie-Christine Légaré. Annie Villeneuve, tu sais. Pas sûr. Prochain album qu'on s'en va entendre, le nom me dit quelque chose. Je crois avoir entendu ça quelque part, mais comme vous le savez, c'est le poste d'écoute. Donc, je découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Et aujourd'hui, je les déballe live en studio, donc c'est très amusant. C'est l'album de Pornopop qui s'appelle... Oui, j'ai bien dit Pornopop. Je le répète une autre fois, Pornopop. C'est rare qu'on peut dire ces mots-là. En tout cas, au moins le premier, même le deuxième mot. Les deux sont tabous ici, assez fou. Porno et pop. On parle jamais de ça. L'album s'appelle « And the Slow Songs About the Dead, Calm in Your Arms » et voici la pièce « Nicotine and the Backward Lounge » dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Have you seen faith hanging round falling down? To the fallen days, I became the backward lounge. In a lake, the fire hanging on the same old sound. Fire hanging on the sunken me sovereign glory and take. C'est fou dans vos oreilles. We change. Le duo de Porno Pop avec la pièce Center, précédée de Nicotine and the Backward Lounge, avec leur album And the Slow Songs About the Dead, Calm in Your Arms. Très bon Porno Pop de l'indie Electronica qui vient d'Islande. Les membres sont August Arnar Enarsson et Peter Johan Enarsson. Leur site web myspace.com/pornopop ou encore pjvalentine.typepad.com. Sur leur MySpace, il y a plusieurs pièces, dont Center qu'on vient d'entendre. C'est assez intéressant. Porno Pop. Là, ben, je suis rendu à retourner dans ma pile de CD ici à ma gauche. J'ai envie d'aller entendre, le nouvel album, de Putumayo. Vous connaissez peut-être Putumayo, qui est une étiquette là, qui n'arrête pas de faire des CD de musique du monde. Ça marche beaucoup leur affaire. Ils en sortent plusieurs par année. On en reçoit sûrement des dizaines, je pense, assez fou par année. Celui-là s'appelle Acoustic France. France acoustique, c'est un voyage musical enchanteur vers la France avec des chansons contemporaines et classiques par des auteurs, compositeurs et interprètes du pays. On va commencer avec une pièce de la formation Les Escrocs, voici Acidique. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés tous ensemble pour la première fois au 89.1 FM dans vos oreilles. J'en avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Acidique, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid acidique, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non, je veux que ça dure toute la vie. Chaque jour soit férié, un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Acidique, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Sous là-bas dans mon île acidique, enfin ma place au soleil. À moi le ciel vermeil et les beaux voyages. M'en priver, ce serait dommage. Acidique, tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens.

L'agression Putumayo Presents Acoustic Friends, ici dans le poste d'écoute de C'est Fou, où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Donc, sur cet album qui vous présente un voyage musical enchanteur vers la France, avec des chansons contemporaines et classiques d'auteurs, compositeurs, interprètes français. On a entendu, pour commencer, les Escrocs avec Acidique, Thomas Dutronc avec Je suis pas d'ici et Sandrine Kiberlin avec Le Quotidien. La chose avec les albums, en tout cas au moins francophones de Putumayo, c'est qu'ils... en tout cas, c'est pas une mauvaise chose, là, mais pour nous, assez fou, hein? C'est parce qu'il y a souvent des artistes très, très commerciaux dedans, et quand c'est français, on n'est pas toujours au courant de qu'est-ce qui est commercial là-dedans. Au Québec, des fois, quand ils font les compilations québécoises, il y a des affaires très underground, et genre Annie Villeneuve ou bien Céline Dion dessus, donc il peut y avoir pas mal n'importe quoi. Dans ce cas-ci, il y a des artistes tels que JP Nataf, Pascal Lejeune, Constance Amiot, ou Amiot, Gordon Sanchez, Carla Bruni, vous voyez Carla Bruni, tu sais. Rose, Gérard Pitiot, Roman et puis Rupa and the April Fishes. Dans leur pochette, parce qu'il y a Putumayo, ce qu'ils font de vraiment bien, c'est qu'à l'intérieur, il y a toujours un petit livret qui raconte en trois langues, l'anglais, le français et l'espagnol, qu'est-ce que c'est, genre, avec des petites biographies des artistes et puis un texte qui représente l'album. Donc, ça dit... La scène musicale française est en pleine ébullition. Une multitude de jeunes auteurs, compositeurs, interprètes de talent ont insufflé une énergie nouvelle à des styles qu'encore récemment on jugeait démodés. Car malgré la richesse et l'abondance du patrimoine de la chanson nationale, la plupart des artistes de ces trois dernières décennies avaient préféré chercher l'inspiration à l'étranger. La pop et le rock anglo-saxon, les sonorités africaines et latino-américaines entre autres, ont ainsi largement façonné le paysage musical de l'Hexagone. Vous voulez lire le reste du texte, il va falloir vous procurer l'album qui s'appelle Putumayo Presents Acoustic Friends. Voilà pour ça. Je repige dans ma pile de CD qui ne sont pas déballés pour aller trouver Breakfast in Suburbia. L'album s'appelle The Telepathic Butterflies. On va l'entendre tout de suite. La pièce The Trouble. Oui, pardon. Recommençons. The Trouble. C'est troublant, ça. The Trouble in Keeping Up with the Joneses dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Team and then walk away. soul-eating vultures. What else can I say? You're gracious and kind with unified minds, with eyes open wide, just immovably blind. A beautiful space with guns in your closets. What else can I say? Si c'est fou, 89.1, la dissidence d'aujourd'hui, la radio de demain. Telepathic Butterflies avec leur album Breakfast in Suburbia et la pièce qui s'appelle Telescope, précédée de A Scathing Report et The Trouble in Keeping Up with the Joneses. C'est un groupe de Winnipeg au Manitoba, ça, de Telepathic Butterflies, du rock pop psychédélique avec Jacques Dubois et Richard Ricard. Hein? Des noms francophones avec un groupe qui sonne tellement, tu sais. Ça sonne rétro, j'aime vraiment ça, c'est super bon. Ils vont être en fait sur ton spectacle en ce moment au Manitoba. Si ça vous intéresse, allez voir myspace.com/telepathicbutterflies et pouvoir écouter plusieurs pièces de leur ce qu'il y en a de leur nouvel album. Aucune idée, mais en tout cas, au moins, il y a des pièces à entendre là-dessus. Donc, allez-y, myspace.com/telepathicbutterflies et leur album, encore une fois, s'appelle Breakfast in Suburbia. En passant, si vous avez de la misère à retenir le nom d'un album ou le nom d'un artiste ou d'un groupe, allez voir le site de l'émission qui est en tout temps au www.unechance.com. Vous le savez, l'Internet ne ferme pas. Jamais. Donc allez-y, www.unechance.com. Il y a aussi la balado-diffusion à télécharger en MP3 à chaque semaine. Il nous reste une troisième et dernière heure du poste d'écoute. On va entendre plein de choses différentes. On se quitte pour l'instant avec une dernière pièce de Telepathic Butterflies. On écoute The Gossip Trail dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble au 89.1 FM. Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette troisième heure, ben, comme toujours, plein de variétés musicales. On va commencer avec un album qui vous a été envoyé dans une feuille d'imprimante avec un dessin dessus. C'est écrit Summer 5000. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas combien il y a de pièces. Je sais pas c'est quoi l'artiste, c'est quoi le nom de l'album. Mais on l'écoute et puis on en parle juste après dans le poste d'écoute. Au 89.1 FM, on sait jamais ce qui s'en vient. C'est vrai, ça. Bye. poste d'écoute. I got the worm in my- La formation Summer 5000 dans le poste d'écoute, une émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Et là, je dois avouer quelque chose, j'ai cherché un peu pendant les pièces quand même. Sur Internet, j'ai rien trouvé sur Summer 5000. Ils nous ont pas envoyé de feuille à part la feuille qui emballe le CD. Il n'y a aucun texte dessus, donc c'est très, très cryptique et... Disons que ça me rend perplexe un peu, là, je sais pas trop. J'aime ça, mais j'ai hâte d'en savoir plus sur Summer 5000. Donc, si je trouve le lien, je le mettrai sur le site unechance.com. Sinon, ben, j'imagine qu'ils nous ont envoyé ça en prévision d'un album futur. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont aucune information sur Internet. Ils veulent créer un engouement. Mais bon, c'est ma théorie, j'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Summer 5000, au moins, on sait que ça s'appelle comme ça. On va passer à un groupe de Québec qui s'appelle le JMC Project. Ça a l'air très intriguant. Ils nous ont envoyé un CD dans une belle petite boîte de DVD en plus petit. Je trouve ça très joli, ces boîtes-là. MySpace.com/JMC Project. On va parler tantôt. On va aller entendre les deux pièces de leur simple. La première s'appelle Green. La deuxième s'appelle Making a Statement. Leur single, ils l'appellent Making a Statement, même si la pièce est en deuxième place sur le CD. Je comprends pas trop. Et donc, on va entendre ça et on en parle au retour. Il y a une petite biographie. C'est du jazz. Donc, amusez-vous avec ça. C'est le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. Survival instinct to insist on a message for an instant. It's intense, these rhymes don't lack in syntax, but attack these classic notions that jazz has. Cause hip hop adds something jazz never had. Jazz never had. Jazz has something that hip hop didn't have. Upstate breathing, sheathing. Thieves on trial, fabbing stone to die. Majestic sounds, the tribal clans on fire. Rapping for a mile, a 30 seconds, a short while. Tempo freestyle, prison claims to be wild. Damn dames make you mild, whip like this. Hit it with phantom bricks, sick to see this, I feel it. Can't beat it in the street meat market. I eat fists, I break necks, see the zest. Slot a fast, bloody fits of broken bones. Broken noses and bloody homes. Ashamed of those hoods who got alone. Against an army of 100 militants. See this war's important, not boring. Rather deadly like a medley of heavy artillery. Can't compare to my style of carry. You're scared of me, can't beat or defeat me. Hear ye, read the paper, seen the news. Bullets and blood leave your soul infused. Your mind confused, some words you can't choose. But I'm used to it, styles got abused. Some new hits, as hard as new kicks. At least we left apart, I rip you to shards. My style is so sharp, like my laser darts. Man, you know they state of the art. But they keep, but they keep, but they keep, but they keep. They keep jazzing it up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. They keep jazzing it up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. They keep jazzing it up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. They keep jazzing it up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. They keep jazzing it up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. I keep jacking up, but I wanna keep my shit hip hop, hip hop. Le poste d'écoute. Assassinated JFK, now they're running around in Iraq like they own the place. I mean, while the rest of the world acts like nothing's going on and everything looks bright, but it's not. It's a masquerade with different faces and shades that high masturbate when the public gets a gay. So CNN comes it all up in the day with my man Larry K live and direct about to say thank you, good night, and God bless Canada and the US of A. Our mission statement, and that's just it. We're doing it for justice, so don't get it twisted. In case you didn't know, in case you've got to go, oh, oh, oh, oh. We're making a statement, is our mission statement, and that's just it. We're doing it for justice, so don't get it twisted. In case you didn't know, in case you've got to go, oh, oh, oh. Doing it for justice, so don't get it twisted. In case you didn't know, in case you got to go. Cause to have too big a dream is simply a myth. It's simply myth. To have too big a dream is simply a myth. In case you didn't know, and in case you gotta go. Making a statement is our mission statement. And in case you didn't know, we have to go. The JMC sound. Watch out, cause the JMC's in town. The JMC Project avec la pièce Making a Statement, précédée de Green. Ça vient de leur simple qui s'appelle aussi Making a Statement. Et ça, ben, c'est dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la toute première fois en même temps que vous. Parlons un petit peu de ce JMC Project. Un avant-goût de l'album complet à paraître par ce groupe de Québec qui a le vent dans les cordes, dit leur document de presse. Le groupe base sa démarche créatrice sur la fusion de la richesse harmonique du jazz avec les instincts dominants du hip-hop. Ils obtiennent une musique énergique d'un niveau rarissime dans le paysage québécois où les flows du MC se mélangent au swing éclaté d'une section rythmique solide. Des accents soul jusqu'au rythme drum and bass, les six musiciens trouvent leurs inspirations de part et d'autre du monde musical d'aujourd'hui, que ce soit Kanye West, John Scofield, Lauryn Hill, The RH Factor, Soweto Kinch, et la liste continue. Visitez le myspace.com/TheJMCProject pour les dates de concerts, vidéos et autres informations utiles, oui. Ils étaient au Festival d'été de Québec en première partie des Lost Fingers en juillet dernier. Donc, The JMC Project, on attend un album de leur part. On continue avec une formation qui s'appelle Kelly Bird. On va entendre la pièce First for Last et ça se passe maintenant dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. À la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est fou, 89.1 FM. I'm C'est fou dans vos oreilles. Kelly Bird avec la pièce I Wish You Were Here, précédée de Dishes Ain't Done et de First for Last. C'est bien de son nouvel album qui est éponyme, donc qui porte son nom. Kelly Bird qui vient d'Edmonton en Alberta, elle fait du folk rock acoustique et indie. Vous pouvez aller voir le myspace.com/KellyBirdBand. Kelly, c'est K-A-L-E-Y Bird Band ou encore KellyBird.com. Les membres sont elles-mêmes à la voix et à la guitare. Jamie Philp, avec toutes les cordes et les frets et les affaires comme ça, guitare, etc. Alden Martinkus à la batterie et puis Craig Egan à la basse. Il y a une biographie sur son MySpace. Vous pouvez aussi la télécharger et écouter certaines de ses pièces. Je rappelle Kelly Bird. Et puis si vous ne vous rappelez pas de son nom, allez voir le unechance.com, www.unechance.com. C'est là que vous pouvez télécharger télécharger la balado diffusion de l'émission et visiter tous les liens des artistes qu'on écoute pendant l'émission à chaque semaine. Prochain album qu'on s'en va entendre, c'est un groupe, si je me rappelle bien, canadien. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, ils sont du Manitoba. Leur CD s'appelle la formation c'est Floor 13. Et très jolie pochette, vraiment beau. À l'arrière, il y a les gars de dos. Ça, c'est plate un peu, mais devant, on les voit avec des Pez, tu sais, comme des Pez, le Pez Dispenser, les bonbons Pez, mais à la place d'avoir une tête de bonhomme de dessin animé, eh bien, c'est les têtes des gars. Donc, c'est très cute. Floor 13, le nom de l'album, voici Let It Go dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la du campus de Trois-Rivières. Restez là, au retour, on écoute plus de Floor 13 et on découvre Lights Out Asia et Son of Dave pour terminer le poste d'écoute au 89.1 FM. poste d'écoute. Avec la pièce Shut 'Em Out, précédée de Blame It On Me et de Let It Go, ça vient de leur nouvel album qui s'appelle Floor 13, qui est un groupe de garage rock alternatif de Winnipeg au Manitoba. Allez voir le floor13.ca, floor, F-L-O-O-R, puis le chiffre 13, mais en chiffre 1-3.ca, ou encore myspace.com/floor13. Les membres sont Jeremy Cause, Mark Jaworski, Aaron Vandal et Billy Keeley. Ils sont influencés par AC/DC, Jet, Wolfmother, un paquet de groupes qui sont très, très bons, selon moi. Donc voilà, Floor 13, leur album, c'est avec un point d'exclamation. Allez voir lunechance.com si le lien vous échappe encore un peu. J'ai promis qu'il restait deux albums, donc on va y aller tout de suite en musique si on veut faire rentrer ça. On va aller écouter l'album de Lights Out Asia qui s'appelle Eyes Like Brown Tide. Voici la pièce introduction qui s'appelle Day Towards Other Days. Et puis rapidement, au moins une partie d'une pièce qui dure quand même 9 minutes. C'est Radars Over the Ghosts of Chernobyl tout de suite dans le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois tous ensemble dans votre Radio Campus à Trois-Rivières, le 89.1 FM. C'est fou ça! La formation Lights Out Asia avec la pièce Raiders Over the Ghosts of Chernobyl, précédée de l'introduction A Day Towards Other Days dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. C'est bon, c'est du down-tempo électro shoegaze de Milwaukee au Wisconsin. On a déjà reçu plusieurs albums de leur part, ou au moins un que je me rappelle dans le poste d'écoute, et puis je me rappelle que ça a toujours été bon. Ça s'est formé en février 2003. C'est Chris Schaefer, Mike Estad et Mike Rush. Allez voir lightsoutasia.com ou myspace.com/lightsoutasia. Leur album s'appelle Eyes Like Brontide et les liens sont toujours sur le www.unechance.com si ça vous intéresse. J'avais promis qu'on terminerait avec un dernier album et puis c'est ce que je vais faire quand même. C'est la formation Son of Dave avec leur album 03, ou en tout cas il y a le 03 écrit à plusieurs endroits sur l'album, donc j'imagine que c'est leur album. Ça dit... une surcharge de blues, de funk et des circonstances inhabituelles qui ont donné naissance au roi des one-man bands, Son of Dave. D'accord. Ça dit pas de problème, écoutez. Hein? Donc on va l'entendre ça. Leur site web c'est myspace.com/thesonofdave ou encore sonofdave.com. Voici l'introduction qui s'appelle Your Mercedes Intro, qui sera suivie de la pièce Old Times Were Good Times. Et puis après ça, bon, on couronne le poste d'or. There's a place in Seoul where you've got to wear your bow tie. You can wave your diamond, but they're not gonna let you inside. You can drive your Bentley, but they're not gonna let you inside. And then a man in leisure suit you wear, they ain't never gonna let you in there. Spin you around some more. I like your style, girl, you're old fashioned, but I'm never gonna get you, am I? Outside and just go walking in the moonlight. Yeah, yeah, yeah. Son of Dave, avec la pièce Nike Town, précédée de Old Times Were Good Times et de Your Mercedes Intro. C'est très, très bon, ça. C'est très bon, j'adore ça. On va se quitter avec une dernière pièce, d'ailleurs. Mais avant ça, parlons un petit peu de ça. C'est un groupe de blues alternatif R&B de London au Royaume-Uni. Londres, on pourrait dire Londres. Sonofdave.blogspot.com ou myspace.com/TheSonOfDave. Nous, on doit se quitter. On manque de temps. Rock Classique s'en revient à partir de 13h les vendredis après-midi. Je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi à 10h. On rappelle les samedis à 13h et les lundis à 17h. Allez voir lunechance.com pour tous les renseignements sur l'émission d'aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Oh, le poste d'or. Oh, on n'oublie pas le poste d'or quand même. C'est le volume était au maximum avec les vacances. C'est très, très, très, très bon. Allez voir lunechance.com pour tous les renseignements. Bye bye. Bye bye. Bye. Bon, j'ai assez dit bye, hein? C'est pas pire comme bye. Vous savez que c'est réciproque. I'm a lover, not a fighter. Give it up now. If you wanna be a lover, put your toys away. Get it up now. Yeah, you better put your toys away. Give it up now. If you wanna be a lover, put your toys away. Give it up now. Little brother, put your toys away. I'm not gonna rise to win. You climb and act tough, but you're still stupid. Don't wave your gun in my face. Have you even looked at my face? We're in the same race in the same place, and it's just music. It's just music. No, I'm a lover, not a fighter. And the bitches, as you like to call them, know that that's wiser. That's why I'm off here on this riser. You're selling records for the Kaiser. Give it up now. If you wanna be a lover, put your toys away. Give it up now. You better put your toys away. Give it up now. If you wanna be a lover, put your toys away. Give it up now. Little brother, put your toys away. Serious. It must be the money that makes you delirious. You're a cartoon, you'll smoke a cigar soon. You sing about your car and you dress like you're curious. I'm not gonna rise to your gangster tricks. Your pigs go half cocked and you shot your rocks up. Before you got your socks off, you quit. I'm not gonna rise to it. Yeah, you're tough. Fuck stuff to the bitches and you call them loves right here in our kitchen. Soul food and love is what your crib is missing. Give it up. Put your toys away. Get it up now. Yeah, you better put your toys away. Put your toys away. Give it up now. If you wanna be a lover, put your toys away. Get it up now. Little brother, put your toys away.